Écoute et regarde ça, ça s'est passé dans Hashtag. Une des premières fois, on est tous obligés d'y passer, c'est la première fois sexuelle. Et donc on va en parler avec toi Claire aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même quelque chose, c'est comme une étape très importante dans la vie. Et souvent on a tendance à se mettre la pression. Et actuellement, enfin maintenant, la société actuelle fait qu'on se met une certaine pression. Et c'est quand même une des premières fois les plus cruciales et les plus importantes quand même qui va nous suivre quand même toute notre vie. Quoi. Si la première fois est ratée, bah, c'est vrai qu'après, la vie sexuelle peut être un petit peu plus décousue. Et voilà. Donc, la première fois peut faire peur. C'est quand même quelque chose qui fait peur parce que c'est quelque chose en rapport avec le corps. Et maintenant, on le fait de plus en plus tôt. Donc, je pense que maintenant, la moyenne, c'est entre 12 et 14 ans. Je trouve ça super jeune. Et donc, 12 et 14 ans, tu crois, ouais? Bah, t'en as beaucoup qui perdent à 12-14 ans. Hein. Il y avait une fille quand j'étais en secondaire, elle était enceinte, elle avait 13 ans. Oufti. T'imagines le truc, c'est pas la moyenne. Mais maintenant, la majorité sexuelle, c'est 14 ans, je pense. Mais c'est déjà ça, c'est encore super jeune. Ouais. Quoi, parce qu'allez, on a nos règles à quel âge entre 11 et 13 ans. Après, il y en a qui l'ont maintenant, plus tard. Maintenant, beaucoup plus jeune. À 9 ans, il y a des filles qui ont déjà leurs règles. À 9 ans, quoi. Donc ça veut dire qu'à 9 ans, elles sont déjà en âge de procréer. Enfin, je trouve ça quand même fou. Dingue. Et donc voilà, la première fois peut faire peur et faut surtout pas se mettre la pression parce qu'on a tendance à se mettre la pression. À ma copine, j'ai mes copines qui l'ont fait à cet âge-là, du coup il faut que je le fasse. Et donc finalement on le fait dans un brouillon total avec une personne qui n'est pas. Enfin, c'est super important de trouver la personne avec qui le faire parce que c'est quelque chose qui rapporte au corps. C'est la première fois qu'on va se dévoiler à quelqu'un, qu'on va se laisser toucher par quelqu'un. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est pas comme la première fois où on va faire du vélo, quoi. Là, ça touche au corps et il faut que ce soit vraiment bien fait. Il faut être en harmonie avec son corps et celui de l'autre. Donc moi, je pense que pour faire sa première fois, il faut se connaître et être en OK avec son corps. Et même si vous le faites, être prêt, même si vous le faites à 18 ans, moi, je trouve que 14 ans, c'est encore beaucoup trop jeune. On n'a pas encore la maturité nécessaire. Pour moi, le plus bel âge, c'est 17, même si on le fait à 20 ans, on le fait à 20 ans. Enfin, plus tard, c'est fait et mieux on est avec notre corps, mieux ça va se passer et notre vie sexuelle va être plus épanouie parce que dès qu'on commence la première fois, et ben ça, la machine se démarre et c'est le début quoi. Alors donc il faut être en confiance, il faut le vouloir vraiment, ne pas avoir peur de dire non ou de stopper à n'importe quel moment parce que ça oui, une fille, imaginons une fille de 14 ans à un rendez-vous avec un garçon, elle va se foutre la pression et c'est comme si elle était obligée. Les filles ont tendance à se sentir obligées de faire quelque chose alors que non, elles peuvent stopper et même si le gars dit bah, écoute, t'as accepté de sortir avec moi, on est chez moi, tout ça, ben non, tu peux stopper quand tu veux. Ton corps, c'est ton corps. Ne pas forcer la personne. Il ne faut pas forcer et parfois on peut tomber sur des personnes qui commencent à culpabiliser ou alors à dire ah, ben, tu m'as un peu chauffé, etc. Enfin, ça, non, c'est votre corps, vous dites non, vous partez si ça ne va pas. Donc il ne faut pas se fier aux autres, il ne faut pas être en compétition parce que tu en as qui ont un groupe d'amis qui l'ont fait et nous, enfin, cette personne-là ne l'a pas encore fait. Mais il ne faut pas se foutre la pression, si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas une compétition. Alors pour moi, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'amour et un attachement. Maintenant, je parle plutôt pour les filles parce que les garçons, c'est vrai que la première fois pour les garçons, c'est... Il y a un peu moins de pression pour les garçons. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que justement, la pression est des deux côtés. Et l'amour, c'est pas essentiel. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est la confiance. D'être avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise pour être complexé et tout Mais je pense pas que l'amour, ce soit essentiel, par exemple. Mais il faut quelqu'un, par exemple, t'en as qui vont le faire la première fois parce qu'elles se sont foutues la pression. Elles vont trouver le premier mec venu et dire, allez, comme ça, c'est fait. Et je m'en débarrasse, tu vois. Pour moi, c'est pas une bonne manière de le faire. C'est vraiment pour... on se fie aux autres et on se dit, je suis la dernière à pas l'avoir fait, du coup, je vais aller le faire avec le premier venu. C'est clair, quoi. C'est pas un concours, c'est pas il faut que je le fasse, si t'as la majorité quand tu le fais. Enfin, je veux dire, quand je dis qu'il y ait de l'amour et de l'attachement, oui, pas forcément, c'est vrai que je te rejoins là-dessus, mais faut pas non plus se dire, je vais prendre le premier venu et je vais le faire un peu à l'arrache, quoi. Faut vraiment pas que ce soit fait à l'arrache. Et c'est vrai que la pression vient des deux côtés. Mais un garçon ne va pas avoir tous les désagréments de la première fois. Parce qu'une fille, pour la première fois, elle peut saigner, elle peut avoir mal. Alors qu'un garçon, lui, ça... Il n'y a pas les douleurs, mais il ne l'a jamais fait, il ne sait pas trop comment faire. Enfin, je veux dire, il peut être perdu. Enfin, je ne suis pas un mec, je n'ai jamais vécu ce côté-là. Mais j'imagine, je ne sais pas vous les gars. Psychologiquement, pour un garçon, ça peut être à la hauteur, etc. Ouais. Parce que si on a un garçon qui... Peur de décevoir, par exemple. Peur de décevoir, parce qu'un garçon peut très bien le faire avec une fille qui a de l'expérience et ne pas se sentir à la hauteur. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'une fille a des douleurs physiques en plus. Mm-hmm. Et donc ça, il faut le savoir, parce que tu as des filles qui le font, qui commencent à saigner, qui ne comprennent pas, ou qui ont mal, qui comprennent pas. Donc ça, il faut vraiment libérer la parole, il faut savoir en parler Et il faut pas avoir. Ça m'est jamais arrivé, mais il y a des hommes qui ont peur d'avoir une panne, par exemple. Oui, oui, mais c'est la. T'es pas obligé de te justifier. Non, mais. Mais non, mais c'est la pression. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la première fois pour les filles, mais on oublie les garçons qui ont une énorme pression et il y a pas de pression à avoir, quoi. Mmh. Se dire, tiens, il faut que je sois à la hauteur. De toute façon, la première fois. Dans la majorité des cas, la première fois, elle est pétée, hein. Elle est ratée. Tiens, tu ne peux pas te dire, tiens, ma première fois, elle a été dingue, quoi. Parce que pour une fille, généralement, t'as mal à crever. Ah oui. C'est pas, tu vois, une première fois, c'est pas top, quoi. Après, j'ai envie de vous demander vous votre première fois. Hein. Après, la première fois ne peut pas être top dans l'acte, mais peut être top dans le moment, quoi. Je veux dire, tu ah peux. Ah oui, parce que allez, si c'est bien fait. Si t'es en confiance, si vraiment tu t'es mis dans un bon contexte et que tu es c'est en que harmonie. Pas, quoi. Mais tu peux avoir une première fois qui peut très bien se passer parce que tu as mis tout un contexte, tu vois, tu as préparé, tu te sentais prêt. Tu as pris le temps. Voilà, tu as pris le temps. Que quand tu ne prends pas le temps et que tu le fais à l'arrache comme ça, ben généralement c'est pas du tout un bon souvenir, quoi. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. On est dans Hashtag, on parlait il y a quelques instants des premières fois, et bah Claire, tu nous posais une question. Mais je voulais, voilà, il faut pas que ce soit trop intrusif, hein. C'est pas non plus, c'est un peu, c'est dans la sphère privée quand même, mais j'ai juste une question pour savoir si vous ça s'est bien passé, si vous avez des regrets, si vous pouviez revenir en arrière et recommencer, est-ce que vous feriez les choses différemment ou pas? Donc j'ai commencé par toi Xavier, raconte un petit peu. Mais moi ça s'est très bien passé, je me suis par contre pas senti à la hauteur, donc du coup j'ai voulu faire une deuxième fois, la deuxième fois était la meilleure que la première évidemment, enfin voilà ce que j'ai ressenti, donc voilà, tu m'as demandé tu n'as pas de regrets? Non, quoi. Pas de regrets, non, pas du tout, donc voilà. Maëlle? Moi j'ai pas de regrets, c'est avec mon copain actuel, et alors j'avais pas du tout cette idée de moment magique, de moment sacré, c'est pas un souvenir inoubliable, je trouvais pas ça hyper important non plus. Voilà, moi je m'en souviens parce que ma première fois, je m'en souviens parce que c'était insolite. du coup, voilà, enfin je veux le dire, c'était dans une tente. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc ouf non plus, mais je veux dire, pour ta première fois, c'est toujours plus marquant que dans un lit. Donc voilà, non, ça s'est bien passé. Après, c'est comme toutes les premières fois. Enfin, je veux dire que moi j'étais assez jeune quand même. Du coup, voilà, j'avais 14 ans à cet âge-là. Enfin, jeune, je veux dire, c'est la moyenne, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein. J'avais 14 ans. C'est vrai qu'à ce moment-là, on croit connaître les choses, on ne les connaît pas spécialement. On croit gérer la situation parce qu'on a peut-être vu une vidéo porno. On voit qu'il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Pour faire le lien que ce qu'on voit dans les pornos, c'est pas la réalité. Ah oui, n'oubliez faut jamais. Surtout pas se fier à ça, vraiment. Donc, surtout pas quoi. Je m'en souviens, c'était un chouette moment parce que voilà, c'était la première fois, c'était un peu insolite, tu t'en souviens toujours. Mais voilà, non, je regrette pas. Et puis je pense que personne ne doit regretter sa première fois, sauf si voilà, c'était pas voulu, c'était pas voilà, il y a toujours bien évidemment des exceptions. Mais chaque première fois est de un unique. Et puis de deux, quand c'est la première fois, c'est la première fois pour tout. La première fois que tu montes sur un vélo, tu te pètes la gueule. Donc je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc non, première fois, je m'en souviens bien. Et toi? Moi, je vais être le cas où vraiment, si je pouvais revenir en arrière, je le referais parce que je me suis foutu une pression de dingue. Et c'est vrai que j'ai pris un peu le premier venu et ça s'est passé vraiment à l'arrache. Et vraiment, je regrette de l'avoir fait comme ça. Donc vraiment, si j'avais un conseil, c'est réfléchissez-y. Voilà, bien avant et ne vous foutez pas une pression de dingue comme je l'ai fait. Et vraiment, moi, je regrette ma première fois. J'aurais voulu que ça se passe dans de meilleures conditions. Et voilà, mais je suis contente que pour vous trois, ça se soit bien passé.